Cette semaine, les manifs contre la réforme des retraites ont de nouveau mis à l'arrêt la France. Mais dans les repas de famille ou les discussions aux distributeurs de café au boulot, on ne parle plus autant de ces manifestations. Un nouveau débat, ou plutôt un nouveau sujet de discussion, a émergé, autrement dit réémergé, celui des violences policières. Et c'est bien évidemment de cela que nous allons, la rédaction d'Europe & Roll, parler avec vous aujourd'hui. Donc bienvenue! Actu, débat, culture, idées, musique. Ça, c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça, c'est l'Europe. Bienvenue sur Radio Fadjet 94.2. Vous êtes à l'écoute d'Europe & Roll, l'émission sur l'actualité européenne. Aujourd'hui, nous parlons des violences policières sous un spectre européen. Suzy commencera par nous parler d'un rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur la police londonienne. Elle laissera ensuite sa place à Victor, qui lui abordera le sujet des différentes doctrines de maintien de l'ordre dans les pays membres. Léonie nous parlera de culture et films. Enfin, Inès nous racontera comment les mouvements écologistes en Allemagne font face à des violentes répressions. Tout au long de l'émission, Gaëtan sera aux platines pour nous faire découvrir des musiques sur les cops, la Polizei ou encore la Policia. Mais comme chaque semaine, l'émission démarre par un tour de l'actualité. Mathilde Jane, tu es avec nous dans le studio. Bonjour. Bonjour Léandra, bonjour à tous. Et nous restons en France pour cette première actualité, puisque s'est déroulée hier la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites suite à la rencontre d'Elisabeth Borne avec les syndicats. La Première ministre est restée inflexible sur le report de l'âge de départ légal à la retraite. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a qualifié la réunion d'inutile avant de déplorer la stratégie jusqu'au boutiste, violente et irresponsable de l'État. Les travailleurs ont été appelés à se mobiliser massivement ce jeudi. On a compté 570 000 manifestants en France, dont environ 60 000 à Paris. Un nombre de grévistes qui fléchit pourtant par rapport aux semaines précédentes. Oui, la journée du 28 mars avait rassemblé encore plus de manifestants, 740 000 mobilisés contre 570 000 hier. Le trafic a également été amélioré hier, 3 TGV sur 4 en circulation et un trafic quasi normal pour le métro et le RER à Paris. Tous les professeurs de primaire, collège et lycée ont été appelés à se mobiliser, mais on compte seulement 20% d'enseignants en grève. Il n'empêche que nous restons dans un contexte de forte tension. La colère des mobilisés s'est faite sentir partout en France, comme ici à Nancy, où le porche de la Banque de France a été incendié. On sait comment les forces de l'ordre sont contrôlées dans notre pays. Qu'en est-il des autres pays de l'Europe ? On a affaire à des systèmes assez différents du nôtre, où le contrôle de la police s'opère par des instances un peu moins contrôlées par l'État. En Suède, par exemple, l'Ombudsman, homme des doléances en français, est le premier organe parle de médiation entre le peuple et l'administration. Les 4 ombudsman suédois sont nommés par le Parlement et peuvent être saisis par les citoyens ou bien s'auto-saisir. Son champ d'action s'étend sur le contrôle des forces de l'ordre, mais aussi sur la protection des droits de l'homme, le contrôle des lieux de détention ou la protection des droits de l'enfant. L'ombudsman peut poursuivre et sanctionner un fonctionnaire s'il constate qu'il a pris des mesures en conflit avec la loi. En Espagne aussi, les citoyens peuvent faire appel gratuitement au défenseur du peuple, élu par le Parlement, devant lequel il fait un rapport chaque année. Il possède également un vaste champ d'action. En plus de la défense des droits fondamentaux et des libertés civiles, il a la responsabilité de superviser la protection des droits des enfants. Et depuis 2009, le Parlement espagnol lui a également attribué les fonctions de la Commission nationale de prévention du mécanisme contre la torture. Dans les prisons, les centres de rétention des étrangers ou dans les hôpitaux psychiatriques. En parlant des forces de l'ordre, il semble que quelque chose s'est passé en Écosse. Oui, c'est un coup dur pour Nicola Sturgeon, l'ex-leader du mouvement indépendantiste écossais, qui a assisté à l'arrestation de son mari ce mercredi 5 avril. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur les finances du parti des époux, le NSP. Cet événement ne fait qu'accroître la faiblesse du parti qui a déjà subi la démission soudaine de Nicola Sturgeon en mi-février, après 8 ans de fonction. C'est un jour difficile pour le parti, a déclaré le nouveau Premier ministre d'Écosse, Humza Yousaf, élu à la suite de la démission de Nicola Sturgeon. Merci Mathilde Jane pour ce tour d'horizon de l'actualité européenne. Retournons à nos moutons, enfin aux policiers quoi. Il y a quelques semaines, un scandale sur la police londonienne a éclaté et Suzy, tu es là pour nous en parler. Alors le sujet de l'émission cette semaine est un peu sombre, mais parfois les problèmes sont fort heureusement mis en lumière. Le 21 mars 2023 a été publié un rapport d'enquête sur des violences commises par des membres de la police londonienne. Ce rapport a été commandé à la suite du meurtre de Sarah Everett en 2021 qui avait été violée et tuée par le policier londonien Wayne Cousins. Mais cette histoire n'est pas isolée puisque comme le précise le journal Le Monde, la police londonienne, aussi appelée la Met Police, est impliquée depuis plusieurs années dans une série de scandales sexuels alimentant une crise de confiance de la population. Suivez-moi pour une investigation sur cette enquête et les enjeux qu'elle soulève. Le principal reproche adressé à la police londonienne par le biais de ce rapport porte sur le fait que celle-ci ait laissé se développer en son sein des comportements racistes, homophobes et sexistes et qu'elle n'a protégé ni ses employés ni les citoyens contre ces comportements. C'est surtout la question du sexisme et des violences envers les femmes qui est au cœur du rapport, compte tenu des scandales à répétition au sein de la police londonienne ces dernières années. Si c'est le meurtre de Sarah Everard qui a été l'élément déclencheur de la série de scandales, ce n'est pas un cas isolé au sein de la police. Cette affaire avait d'ailleurs entraîné la démission de la chef de la Met, Cressida Dick, en février 2022. Si la population avait déjà perdu confiance en la police, cette crise ne s'arrête pas là puisque en janvier 2023, le policier David Carrick plaide coupable de 24 viols ainsi que de multiples agressions sexuelles envers 12 femmes entre 2003 et 2020. L'autrice du rapport, Louise Casset, appelle notamment à un changement fondamental, une réforme au sein de la police, car elle estime que les violences visant les femmes n'ont, je cite, « pas été prises au sérieux en termes de ressources et de priorités ». Un titre d'exemple, ce rapport revient sur la négligence à l'égard des preuves dans les enquêtes pour viol notamment. En effet, de nombreuses preuves, comme des prélèvements d'urine ou de sang, n'avaient pas pu être exploitées car elles ont été stockées dans des réfrigérateurs en panne ou surchargées et parfois même fermées à l'aide de sangles, ce qui a altéré leur conservation. Louise Casset souligne notamment le manque d'expérience des policiers qui doivent gérer ce type d'affaires. Cependant, le rapport ne souligne pas seulement des dysfonctionnements de procédure dans le cadre des enquêtes, mais donne une liste d'exemples concrets de comportements déplacés des policiers, parfois même directement envers leurs collègues. On peut en citer quelques-uns pour illustrer les propos du rapport. On retrouve entre autres un officier qui se masturbe dans les vestiaires devant une de ses subordonnées, un policier musulman qui retrouve du bacon dans ses bottes ou encore la direction de la police qui demande d'effacer certaines conversations WhatsApp dans lesquelles des policiers auraient eu des propos déplacés. Ce n'est pas le premier rapport de Louise Casset à ce sujet puisque celle-ci avait déjà rédigé un rapport préliminaire en octobre 2022 sur le laxisme face au racisme et au sexisme au sein de la police londonienne. Selon elle, je cite, « Ce rapport est le premier à mettre à nu l'ensemble des manquements à l'égard des Londoniens, des Noirs de Londres, des femmes, de leurs propres agents, et soulève donc des enjeux primordiaux. » Mais elle critique cependant le manque de réaction face à ce rapport, et notamment le manque de réformes qui, selon elle, devraient être essentielles. Les violences policières sont donc parfois révélées au public par le biais de ce genre de rapports qui mettent en avant la nécessité de réformes et d'actions pour lutter contre ces formes de violences. Ce n'est pas le premier ni le dernier, et on peut se demander si l'exemple de Louise Casset ne sera pas suivi dans les prochains mois, voire les prochaines années, afin de dénoncer d'autres dysfonctionnements de la police au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. C'est donc une affaire à suivre. Ça, c'est le rock, le rock, le rock. Merci beaucoup Suzy pour ce décryptage. Pas bien joyeux tout ça. Gaëtan, quelle musique tu nous mets pour nous changer les idées ? Ah bon, Gaëtan n'est pas là, donc je vais reprendre ses idées. Blue Lights de Georgia Smith, une chanson de soul introspective qui aborde les problèmes de la brutalité policière et de l'injustice sociale. Les paroles poignantes évoquent la peur et l'angoisse qui ressentent les jeunes noirs face à la violence des forces de l'ordre dans les quartiers défavorisés. Answering back, you apologize, was the harm? Even the fuss, but the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, "Look, blood, I'm sorry, 'cause I know you got my back." He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, 'cause you're the shook one. Hands in the tool, did you question your friendship as men? Like, you're gonna make me a convict. C'était Blue Light de Georgia Smith. Avant la pause musicale, nous avons parlé du rapport sur la police londonienne qui est sorti il y a quelques semaines de cela. Elle dénonçait les violences sexistes, homophobes et racistes au sein de cette dernière. Victor est désormais là pour nous expliquer le béaba sur le fonctionnement des polices dans certains pays européens. Cela pourrait d'ailleurs nous aider à comprendre comment se forment les violences policières, thème de notre émission. Bonjour. Bonjour. Alors que le débat autour des violences policières fait son grand retour sur la scène publique française, revenons sur les différentes doctrines de maintien de l'ordre en Europe. Tout d'abord, l'on peut rappeler la définition de maintien de l'ordre qui, dans un système démocratique, consiste à assurer la protection des citoyens face à des comportements troublant l'ordre public. Et donc le maître mot est de respecter les libertés individuelles fondamentales et en particulier le droit de manifester, ce dernier étant au cœur des préoccupations. L'exemple de la France dans l'histoire du maintien de l'ordre en démocratie est assez évocateur puisque les premières doctrines apparaissent à la fin du XVIIIe siècle avec le constat que l'armée n'est pas l'outil adapté. La forme moderne de maintien de l'ordre apparaît en 1921 avec la création d'une unité de militaires spécialisée dans les tâches de maintien de l'ordre, la gendarmerie mobile. Les manifestants sont alors considérés comme des citoyens momentanément en colère et sont traités comme tels avec comme maître mot pour les forces de l'ordre de heurter les sens et pas les corps. Le maintien de l'ordre est donc basé sur une réponse mesurée des forces de l'ordre qui mettent en quelque sorte une des premières formes de doctrine de désescalade. Pour ce qui est de l'actualité de la doctrine française, il est à noter que cette dernière semble avoir récemment évolué au cours du XXIe siècle. Le tournant est considéré par beaucoup comme les mouvements des gilets jaunes, où les techniques françaises de maintien de l'ordre choquent et accentuent une forme de schisme entre la population et ses forces de l'ordre. Mais à qui la faute ? Cette réponse est assez complexe, toutefois il est important de considérer le rôle d'un changement global de posture. En effet, désormais la distance est maintenant privilégiée face à une philosophie plus traditionnelle de contact avec les manifestants, cette dernière causant trop de blessés dans les rangs des policiers et des gendarmes. Toutefois, cette doctrine de distance de maintien de l'ordre est également à l'origine de l'apparition des LBD, lanceurs de balles de défense, mais aussi de l'utilisation fréquente de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Cette évolution du matériel est souvent jugée trop excessive compte tenu des dégâts physiques sur les manifestants, les protestations modernes étant marquées par de nombreux blessés et mutilés graves, nuisant à l'image des forces de l'ordre. Ainsi, ce nouveau mode de maintien de l'ordre peut entraîner de nouvelles injustices plus graves et met particulièrement en avant les dommages collatéraux, décourageant parfois la population à se rendre dans des manifestations par peur des débordements. Toutefois, les policiers et gendarmes sont parfois particulièrement exposés et placés dans des positions encourageant la violence, comme lors de barrages de police non filtrants, restreignant la liberté de déplacement des manifestants et accentuant les tensions. L'échelle d'escalade des tensions devient le baromètre principal des manifestations, qui peuvent parfois être accentuées par des comportements violents au sein des personnes sur place, ainsi que des insultes envers les forces de l'ordre, entraînant des situations d'extrême tension des deux côtés, ne laissant pas assez la place à la médiation. Cette question de dialogue entre les parties semble se développer dans d'autres pays européens. Ainsi, s'il serait naïf d'imaginer que d'autres pays comme l'Allemagne se placeraient comme de véritables modèles en la matière, il faut cependant reconnaître plusieurs avancées très positives. En effet, la communication entre manifestants et forces de l'ordre est un moyen d'apaisement des tensions très utilisé en Allemagne, qui met en avant une doctrine de désescalade via l'application d'une violence proportionnelle et la présence d'équipes spécialisées dans le dialogue sur le terrain. Le maintien de l'ordre allemand utilise par exemple un nombre significativement moins élevé de LBD, grenades lacrymogènes et autres, et privilégie des charges au point ou une posture plus passive ne cherchant pas à envenimer les situations pouvant être tendues. Cette doctrine de désescalade est très utilisée en Europe au sein de pays comme l'Allemagne, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas. Toutefois, ceci ne représente pas une forme de maintien de l'ordre idéal car la communication n'est pas toujours assurée et certaines situations poussent les forces de l'ordre à adapter leur doctrine via l'utilisation d'armes plus lourdes comme les LBD. En Allemagne, plusieurs événements nuancent l'idée d'une doctrine de maintien de l'ordre sans bavure, comme les exemples de Hambourg en 2017 ou de Lützerath en 2023. Enfin, une autre technique se détache en Europe et particulièrement en Angleterre, nommée le catling, en français l'encadrement. Cette technique consiste à encadrer le cortège de la manifestation en opérant un blocus de l'intérieur, ne laissant personne quitter la manifestation. L'idée vise théoriquement à décourager toute forme de violence via le contact permanent des forces de l'ordre, mais aussi d'éviter toute incursion non pacifique au sein du cortège. Cette technique catégorisée comme étant de désescalade n'est pas sans critique, certaines personnes accusant la proximité des agents de police et créant un climat presque autoritaire via un encadrement trop hermétique à toute entrée et sortie du cortège. Ce type de technique est toutefois de plus en plus utilisé, car efficace afin de prévenir les violences, mais accentue régulièrement les tensions entre forces de l'ordre et manifestants. La proximité trop importante engendrée par cette doctrine peut alors mettre en difficulté les agents de police face à des comportements violents et une montée des tensions. Toutes ces différentes doctrines tendent globalement à un durcissement des rapports entre forces de l'ordre et manifestants, augmentant progressivement les tensions. La réponse exécutive est également critiquée, particulièrement en France, pour la militarisation des forces de l'ordre, illustrée par exemple par le nouveau véhicule blindé polyvalent de maintien de l'ordre, équipé de lance-grenades de désencerclement, de lanceurs de grenades lacrymogènes et d'une mitrailleuse lourde. Cette réponse des États de plus en plus durs envers leur propre population encourage l'escalade de la violence, où des forces de l'ordre toujours plus sollicitées risque d'attiser une réponse de plus en plus violente de la rue. Ça, c'est Merci beaucoup Victor, sujet pas bien joyeux contrairement à notre flash culturel présenté aujourd'hui par Léonie, bonjour. Bonjour. La sensation Everything Everywhere All At Once par les réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Janert n'a pas seulement convaincu l'Académie des Oscars, mais moi aussi, voici pourquoi. Ils font partie des nombreux immigrés aux États-Unis qui ont créé leur propre entreprise et travaillent aujourd'hui dur pour financer les études de leurs filles. Waymond et Emily Wong sont venus de Chine aux États-Unis pour se construire une vie meilleure et sont depuis longtemps arrivés dans la dure réalité des déclarations d'impôts, de l'identité moderne de leurs filles et des dettes de leur entreprise. Mais un jour, alors qu'elle va voir son agent fiscal, la vie d'Emily va radicalement changer, tout comme l'atmosphère du film. Dans le bâtiment des impôts, son mari se transforme. Il est désormais Alpha Wong, le Wong venant d'un autre univers parallèle au sein. Il lui dit qu'elle serait en danger et qu'elle doit apprendre à sauter d'un univers à l'autre, comme il a lui-même fait pour pouvoir se battre contre son ennemi. Dans un film chargé en tension et en action, le film réussit toutefois à convaincre par des touches de légèreté et de sensibilité qui semblent pourtant à première vue impossibles. Ce film est de la poésie cinématique qui nous invite à rêver et à laisser le quotidien derrière nous. Un chaos de genre qui n'empêche pas les spectateurs de se plonger dans une histoire d'amitié, d'amour et d'héroïsme. La vitesse du film entraîne les spectateurs avec lui dans un véritable multivers duquel il est dur de sortir à la fin. À voir en cinéma maintenant. Merci beaucoup Léonie. Gaëtan nous propose désormais d'écouter Bavure 3.0 de Joe Le Fesneau, qui est une chanson de rap engagée qui dénonce les violences policières et le racisme systémique. Les paroles percutantes évoquent la réalité des quartiers populaires où les jeunes issus des minorités sont régulièrement victimes de profilage racial et d'abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre. En 2016 ils ont planté, en 2020 ça va barder. Soit il a fermé, soit de nouveau ils vont planter. J'ai pas fait ça pour le buzz, mais parce que tout ça, ça m'a touché. Tout ça m'a rendu nerveux, j'ai tous envie de les coucher. Urgence, notre police assassine. Regarde ce qu'ils ont fait à Ziyad et Pouna. Adama et Lamine, c'est quand que ça se termine? La liste est longue mon ami. La vérité blesse, on a voulu m'asphyxier parce que j'ai donné mon avis. Personne n'en parle car tout le monde s'est chié dessus. Où sont les braves là? Je laisse les fichus. Connu coupable car j'aurai le visu. Et ça m'en bave gros, je laisse marcher dessus. Et je fais mon pas genre, j'ai vu des blessures. Et ça rembarque quand tu veux que ça ferme. Tu feras tirer bise, ça va affirmer qu'on est victime et eux des coupables. On vient d'en bas, c'est pas des gens déjà en haut qui vont nous faire cesser le combat. Et y'a certains repas prêts à en finir avec la vie. Parce que la justice, qu'on met la justice. Où sont les condés, où sont les condés? On va les gronder, combien décédés, combien décédés? On peut plus compter. Où sont les condés, où sont les condés? On va les gronder, combien décédés, on peut plus compter. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Sécurité face à un flic. Sécurité face à un flic. À un moment, il faut envoyer un signe à un peuple, en fait. Parlons qu'on vient cette fois-ci. Ils ont l'insigne, mais combien sont morts? Des balles de la police. Combien d'entre eux sont fachos et racistes? Je dénonce et puis j'insiste sur le fait qu'ils veulent nous asphyxier. Et moi, t'accueille en justice pendant que Théo n'arrivait plus à se vider. Car c'est vilain. On rentrait la traque, moi jusqu'à l'intestin. Puis la justice, c'est le destin. Un rappeur qui dénonce, peut-être qu'il en reste. Et c'est ignorant, comment y arrives-tu? J'ai refait bavure car la police tue. C'était Bavure 3.0 sur Radio Fadjet 94.2. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe and Roll. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à décrypter au travers d'une perspective européenne les violences policières. En France, elles ont lieu lors des manifs contre la réforme des retraites ou à Sainte-Soline dernièrement. Inès, tu es là pour nous parler des répressions policières lors des mouvements écologistes in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Hallo Inès. Hallo Leandra. 4000 policiers, 1,5 km de barrières métalliques pour isoler les activistes, 35 000 manifestants venus les soutenir. Voilà les chiffres vertigineux qui se cachent derrière la photo que vous avez sûrement vue de Greta Thunberg, transportée par des policiers à Lützerath le 13 janvier dernier. Si l'originalité de la mobilisation dans la digne lignée des ZAD a été soulignée, on a parfois oublié de mentionner l'inventivité macabre des instruments de répression policière utilisés à volonté. Canon à eau, spray au poivre, matraque, brigade canine et à cheval, la totale. L'Allemagne nous a livré une vision toute particulière du monopole weberien de la violence légitime en déployant l'une des plus grandes opérations de répression policière contre un mouvement qui proteste contre l'extension d'une mine qui menace d'engloutir le village de Lützerath. Cette extension est justifiée par le gouvernement en rappelant l'impossibilité de se fournir en gaz russe pour assurer sa sécurité énergétique. Comment les policiers allemands justifient-ils leur acte? Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir fait monter la tension. Au-delà des puérils, c'est l'autre qui a commencé. On peut faire le bilan des violences des deux côtés. Les organisateurs dénoncent de la violence pure de la part de la police qui a battu sans retenue les manifestants, dont une vingtaine a été hospitalisée. Le collectif Lützerath lebt fait état d'une dizaine de blessés, dont certains graves. Et la répression policière n'est pas que physique, elle passe aussi massivement par l'intimidation judiciaire. Des poursuites ont été lancées contre environ 150 personnes. De leur côté, les policiers recensent 70 blessés dans leur rang en raison de jets de projectiles. Ils déplorent aussi des dégradations matérielles et justifient leurs poursuites en raison des troubles à l'ordre public et des résistances contre les forces de l'ordre. Il faut évidemment souligner que le rapport de force entre les activistes et les policiers est inégal. Les policiers sont protégés et armés, alors que les manifestants n'ont que de la boue et des pierres pour se défendre. De plus, l'essence de la mobilisation est pacifique, même s'il y a finalement eu des comportements violents. Quels sont les autres espaces qui font l'objet de tensions entre protection et exploitation dans les pays européens? En Autriche, les policiers parlent la même langue qu'en Allemagne, et je ne parle pas que de linguistique. Ils partagent visiblement la même conception de la répression des actions climatiques. La Lobau, à l'image de Notre-Dame-des-Landes, est un espace de biodiversité menacé par des projets de construction. La Lobau, ce sont des vastes prairies alluviales en bord du Danube, convoitées pour un projet autoroutier. En février dernier, l'occupation du lieu dans le quartier de Donaustadt a été évacuée. Un militant du mouvement climatique, Lobo Bleibt, a ensuite été blessé par un agent au centre de détention de la police. Le tribunal a heureusement reconnu en janvier dernier que les policiers avaient fait un usage disproportionné de la force en cassant notamment une côte à cet homme de 49 ans qui a porté plainte. Et ce n'est pas un cas isolé dans le monde germanophone. En Suisse, un activiste climatique qui participait à une action consistant à bloquer le Crédit Suisse a tout simplement été piétiné par des policiers alors qu'il était allongé par terre en signe de protestation. Peut-on conclure que la répression policière s'est intensifiée ou s'agit-il d'une radicalisation des activistes ? En France, Gérald Darmanin assène dans tous les médias le mot « écoterrorisme » qui serait le synonyme d'une radicalité et d'une violence des manifestants écologistes. Ce néologisme est bien pratique puisqu'il permet de justifier la répression violente des manifestants. En insistant sur le mot « terrorisme », il appuie sur une blessure générationnelle, un de nos plus grands traumatismes collectifs, et le but est qu'on se dise qu'on n'en fait jamais trop contre le terrorisme. Pourtant, étonnamment, le parquet antiterroriste n'a absolument pas ouvert d'enquête pour écoterrorisme, un élément de langage qui reste juridiquement flou. Cher monsieur Darmanin, il faut appeler un chat un chat et de la désobéissance civile de la désobéissance civile. Merci beaucoup Inès pour ce décryptage et merci à toute l'équipe de rédaction. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Fadjet, dimanche à 13h et lundi à 17h30. N'oubliez pas de podcaster nos émissions disponibles sur Spotify et sur encore.fm. Mais avant de nous quitter pour de bon, Gaëtan nous laisse écouter une véritable hymne contre la police dans tous les quartiers, Fuck le 17. C'est le cri de rage des banlieues face à l'impunité et la violence systématique de la police. Marqueur de toute la défiance de la population contre la police, le morceau devient un véritable tube passé à toutes les soirées et festivals. Il s'inscrit ainsi dans les lignes de sacrifice de poulets ou assassins de la police. Les paroles provocatrices évoquent le mépris et la colère de la jeunesse face aux violences policières et à l'impunité dont bénéficient souvent les agents impliqués dans ces abus. Face à tout, il ne reste plus que la rage du groupe contre la police. Nique la police, j'ai ces trois points sur mon sage-vie. Y'a les brolis, y'a les colis, les reins solides. Fais ta folie, vie de voyou. J'veux ton noyau, croise ton grossiste. J'veux le produit qui fait rêver tous les drogués. J'ai le ballon, j'suis dans ton salon. Avec ton daron, de ta copine, j'envoie des talons. T'achètes des talons pour une garba, tu suces trop de bites. J'm'appelle 60, j'suis là de 60 millions de diamants. Ferrari, n'importe, l'iris, j'm'accroche dans ma salle. J'ai mis trois gars deux fois. Charbonneur en danse.